Non, non, il est 11h. Il est en retard, ma montre. Radiozine, bonjour. Radiozine, est-ce une moto? Est-ce une bottine? Est-ce un parpaing? Est-ce une tartine? Je suis aujourd'hui à l'antenne avec Marie Janson, qui remplace Emma Souars, qui a décidé de faire une petite baignade, mais qui m'a quand même adressé un petit message. Antoine. Ah. Antoine, ça y est, je quitte Lausanne, je suis sur l'autoroute là, et du coup j'arrive, je vais arriver en retard, mais j'arrive, je sais pas si j'arrive pendant l'émission, mais comme ça, si tu peux passer ce message, ben, comme ça je suis un peu là, tu vois, t'es pas tout seul, et ben vivement un Archi-Topic diesel, tu vois, pour les autres années, bisous. Voilà. Ah, voilà, ça c'était ma réponse. Très bien. Radiozine, c'est aussi un petit exercice de méditation quotidienne qui s'appelle le Om contemporain. Placez votre doigt délicatement entre vos lèvres et puis faites vibrer ces deux excroissances de votre bouche. C'est dur. Oui, c'est dur. Jusqu'à ce que tout l'air s'échappe de vos poumons, c'est un exercice de relaxation. Et ça nous permet de passer à la bof nouvelle et de supporter la bof nouvelle.